écoutez Radio Veillez et Priez, une radio web chrétienne qui diffuse les enseignements sur la fin du temps et le retour de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez nous lever. Veuillez nous lever. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous allez bien, les sœurs et frères. Rebonsoir. Je voulais vous dire ce qui a été dit, qu'il y aura des moments dans cette année-ci où on peut-être ne pourra pas se réunir ici à cause de ces choses-ci qui sont en train d'arriver. D'accord? Mais le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vivant. Bon, comme je vais garder l'autre, si vous dites ça la prochaine fois, je vais revenir sur ce qu'il voulait dire là maintenant, concernant toujours le pays, on va y revenir. Maintenant, la France, pas deux fois, et là maintenant, je ne sais pas si c'est au sens propre ou c'est au sens figuré, la France. On a besoin de prier. Souvenez-vous, on a convenu qu'après le jeûne-ci, les trois prochains jours, après le jeûne-ci, on va prier pour la France, d'accord? On va prier principalement que Dieu accorde la grâce à ceux qui sont de la France de se repentir, parce qu'il y a des choses qui crient contre la France, comme je dis la dernière fois. Et surtout, depuis les années précédentes, j'avais dit que la façon que la France allait traiter les étrangers, vous vous souvenez, n'est-ce pas? La façon dont ils sont de traiter les étrangers, ça va chauffer. Et là, avec les choses qui sont accumulées. Voilà, maintenant, je ne sais pas comment ils vont faire, comment ils vont arriver. Donc, je crois que ceux qui sont de la France, tous ceux des chrétiens qui sont de la France, chacun a seulement intérêt à implorer le Seigneur. J'ai entendu par deux fois parler ainsi, la voix dit ainsi. Dieu appelle la sécheresse sur la France. Deux fois. Dieu appelle la sécheresse. Quand j'ai entendu cela, vous savez, vous êtes dans la vision. Vous pouvez vous balader dans n'importe quel sens. Vous savez, là, normalement, un pays froid. Et puis je dis, Dieu appelle la sécheresse. Vous vous asseyez par là-bas. Voilà. C'est là, chaque fois, je vous fais obstruction, n'est-ce pas? J'entends, Dieu appelle la sécheresse. Normalement, la sécheresse, c'est en Afrique. C'est pour ça que je suis obligé de dire que c'est là. Parce que si les éléments arrivent là-bas, c'est pas moi qui dis. J'ai entendu, Dieu appelle la sécheresse en France. Il n'est pas été dit en Europe. J'ai entendu la France. Il vous a dit la dernière fois, cette vision que je donne de voir, cette main qui sortait, ce doigt qui sortait, ça pointait, et puis les gens apparaissaient sur cet écran dans cette direction-ci, et que la France était en tête. Tout quand la personnalité de la France s'est présentée, puis ce qui était derrière, je ne comprends pas ce que la France a fait. Je ne sais pas, c'est que quel style de colère Dieu a contre la France. Il ne sait pas ce qui se passe. Il peut ne pas savoir véritablement ce qui se passe là-bas. Mais il y a quelque chose de particulier avec la France. J'ai comme impression qu'ils sont tellement... La coupe est tellement débordée. Il dit la France. Ce n'est pas à nous de juger quoi que ce soit. Parce que vous remarquez, lorsqu'on dit par exemple... Écoutez-moi très attentivement maintenant. Lorsqu'on dit que repentons-nous à cause du péché, ou bien quand Dieu va frapper tel pays de jugement. Vous savez, les gens se moquent. D'autres disent que non, tous les pays pêchent. Mais la personne qui pèse les cœurs, c'est Dieu. Quand Dieu, sous le livre de Genèse, chapitre 18, quand il est descendu vers Abraham, et puis conversa avec Abraham que le cri du pays de Sodome est monté à moi, je suis descendu pour voir si le cri qui arrive à moi est vrai. Si c'est vrai, ils ont agi ainsi, je ne saurais pas vrai. Dieu a besoin de descendre du ciel pour se venir savoir ce qui se passe. Mais vous remarquez très, très attentivement, pendant qu'il se tient là à causer avec Abraham, les deux anges sont allés du côté de Sodome. Après les intercations avec les personnes de Sodome, il dit à l'autre et à l'autre, qui as-tu dans cette ville-ci? Fais-les sortir parce que l'Éternel a décidé de détruire. Mais de l'autre côté, Dieu dit que pendant qu'ils sont parlé dans l'intercession, Dieu lui connaît toutes choses. Et peut-être s'il y aura 50 justes. Imaginez un pays. 50. Peut-être il se trouvera 50 justes. Est-ce la manière de Dieu de détruire les justes et les injustes? C'est pas la manière de Dieu. Donc Dieu peut permettre que ça frappe en même temps les justes et les injustes. Il dit non, c'est pas sa manière. Dieu reste tranquille, il dit s'il trouve 50 justes, à cause de ces 50 justes, il ne frappe pas le pays. Il dit que Dieu ne se fâche pas s'il n'est pas. Peut-être de ces 50 justes-là, il manquerait 5. C'est-à-dire combien, frère? il y avait, il est descendu à 30, il y avait 20, il y avait 10, il y avait. Ha! Là, je pose la question. Est-ce que c'est seulement les populations de Sodome et Gomorrhe qui existaient sur la terre? Que non. Mais Dieu était spécifique pour Sodome et Gomorrhe. Il n'a pas détruit les pays, tout le monde, tous les pays avec le feu et le soufre. C'est ce pays-là particulièrement. Ouais. D'autres pays pourront se livrer à l'idolâtrie. D'autres peuvent se livrer à autre péché en sacrifiant les fils par Moloch. Mais ceci particulièrement, cet péché-ci, Dieu avait décidé d'en découdre avec cela. Donc si vous dites, l'Amérique est le pays de Hollywood, attendez, ça arrive. Dieu a mis une pause là-bas. Attendez que ce monsieur se finisse ses deux mandats. Quand il finit deux mandats, vous allez voir de quoi il est question là-bas. L'Amérique. Je vous avais dit à ces gens-là, vos gens là-bas, vivrez, soyez chrétiens. Ou mieux encore, prenez un raccourci au Canada pour aller dans le froid. Parce que ce qui va arriver là-bas, ils auront besoin de l'aide humanitaire. Parce que les prochaines séances qui vont venir là-bas, après que cet homme va partir, ils vont encore mettre tout cela à zéro. Comme quoi, vous posez la question, la Bible déclare dans le livre des juges, chaque fois quand Dieu suscitait des juges, quand les gens jugeaient, il y avait des juges que Dieu avait suscité, le peuple marchait dans la voie de Dieu un peu. Vous avez vu? Après la mort du juge, il était nous encore en arrière. Vous posez la question, qu'est-ce qui ne va pas avec les gens? Qu'est-ce qui ne va pas? Comment on prend le livre de Moïse? On lit. L'Éternel parla à Moïse, Deutéronome chapitre 4, verset 2. Dit au peuple d'Israël de ceci. Gardez ce que je veux dire, tel que cela est écrit. Tel que cela est écrit, oui. Ou mieux, quand ils voyaient tel que cela est écrit, ils voyaient que faites le désordre. Peut-être c'est ça qu'ils lisent. Vous me suivez? Amen. Alors, quand Dieu veut traiter avec un pays, la France est dans le collimateur de Dieu cette fois-ci. Donc, on a besoin de repentance là-bas. Si on ne prie pas pour la France, leur tour là, les choses, en tout cas, comme ils ont décidé, souvenez-vous que Dieu a prophétisé dans les Saintes Écritures. Vous voyez, c'est là le problème justement. Merci Père. Ça, c'est là le problème. Donc la France a hérité des dieux égyptiens. Voilà pourquoi Dieu est fâché là-bas. Voilà, vous voyez. Étant de me poser la question tout à l'heure, je ne sais pas ce que Dieu avait problème. Et puis, je t'en ai parlé ici. La France a hérité les dieux égyptiens. Et Dieu a décidé d'en découdre avec les dieux égyptiens. Donc, dans tous les pays où ça se trouve, il va les frapper. Et ils ont hérité les dieux égyptiens. Je ne sais pas où ils ont ramassé cela, qu'ils continuent à ramasser. Donc là, le problème se trouve là-bas. Donc, je crois que si les intercesseurs ils trouvent en priant en Dieu, en demandant la repentance pour que les choses. Le moment va arriver où vont devoir restituer les idoles des gens. Vous vous souvenez de lui de 1 Samuel, quand les gens de Kijah Jarim, on avait amené l'âge de l'alliance, et puis ça commence à donner les hémorroïdes aux gens. Ce qu'on va faire, c'est que retourner, on les trucs chez eux, pas vrai? Il va falloir qu'ils retournent. Ils retournent les choses qu'ils ont obtenues de Dieu égyptien. En tout cas, ils ont les symboles partout chez eux. Alors la France. Alors j'ai entendu, voici, c'est pour ça que je suis en train de parler. Parce que ça va nous meubler de prier pour la France par rapport à la repentance. Sinon, je ne sais pas si c'est sécheresse, si c'est une sécheresse d'ordre physique. Je ne sais pas ce qui arrive. Donc il se pourrait, si tel est le cas, que Dieu fasse qu'un style de soleil sort en France qu'ils n'ont jamais vu. Il se pourrait. Souvenez-vous. Peut-être, il dit, je peux me tromper là dedans, c'est l'explication. Mais je vous dis ce qui est dit dans cette voie. La voie dit, par deux fois, le Seigneur appelle la sécheresse sur la France. Pendant qu'il est en train de réfléchir, sécheresse, c'est souvent à Niamey, au Tchad, au Cameroun et dans les régions nord-africaines où il y a souvent la sécheresse. La sécheresse en France, la sécheresse comment? Souvenez-vous, si vous lisez le livre de Job, il est dit dans le livre de Job que la neige, la pluie, le soleil et tous les autres là, Dieu les utilise, ils varient selon son dessein. Donc Dieu utilise la pluie, la neige selon son dessein. Si Dieu augmente seulement de 3 degrés la température de la France, il ne dit pas que c'est ça. Il s'en dit parce que c'est la voix a dit, par deux successivement, après avoir dit, et pendant qu'ils sont réfléchis, la voix encore dit la chose. En disant, Dieu appelle, le Seigneur appelle la sécheresse sur la France. C'était spécifique sur la France. Puis je tente de regarder dans ces visages, essaie de voir la France. Comment la sécheresse va venir dans cette zone-ci? Moi, je maintiens là-bas. La sécheresse sur la France. Je ne sais pas comment ça va être. Pourquoi Dieu appelle la sécheresse sur la France, je n'en sais pas. Mais il est dit, il appelle la sécheresse sur la France. C'est ce que j'ai entendu dans la voix dire, la sécheresse sur la France. Que Dieu donne la sagesse à son peuple là-bas de pouvoir savoir comment conduire ceci. Je ne sais pas ce qui peut arriver. Il se pourrait que Dieu augmente plutôt la température. Il se pourrait que ce soit la sécheresse au sens physique. Il se pourrait, je ne sais pas comment ça fait. Mais Dieu appelle la sécheresse sur la France. Inclinons la tête, prions pour le peuple français, que Dieu donne à ses gouvernants là-bas et tous les ceux qui sont en France l'esprit de repentance. Je crois que c'est seulement là-bas qu'il faut aller. Que Dieu accorde à la France et au peuple français l'esprit de repentance. Qu'il donne encore les gens engagés qui vont prêcher dans les rues, dans les métros, que ce soit dans les avions, qui vont prêcher dans les lieux publics. que dans la France encore on prêche, parce que les hauts lieux se trouvent partout en France, partout, dans les carrefours, dans les lieux de métro, les hauts lieux, les idoles se trouvent là-bas, les grands démons se trouvent là-bas. Que Dieu donne à son peuple de briser et renverser tout cela. Ça, c'est les menaces contre la France là, la menace. Bah, si c'est la sécheresse, si c'est au sens physique, les personnes âgées vont mourir, il y aura tellement de morts, c'est pas bon cela. Père, nous prions au Dieu de gloire que tu accordes l'esprit de repentance. Ô Seigneur, tu as dit pour le cas d'Israël que tu vas déverser son esprit, ils vont tourner le regard vers ceux qui, vers toi qu'ils ont percé. Ô Dieu de gloire, déverser ton esprit sur la France afin qu'ils aient cet esprit de repentance. C'est adieu à la prière. Dans le Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, accorde la grâce, Père de gloire, de te connaître. Père, je prie pour ton peuple qui se trouve, Père de gloire, pour ceux-là qui sont, se trouvent sur le territoire français, qui vivent encore dans le péché. Donne-le, au Dieu de gloire, la promptitude de la repentance en vue de se préparer pour cette heure-ci. Seigneur, je prie au Dieu de gloire que tu manifestes ta grâce dans la vie des peuples français. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, sans exception, Père de gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, incline les cœurs. Les cœurs sont entre tes mains. C'est toi, ô Dieu de gloire, qui as fait en nous nos cœurs. Tu connais, ô Dieu de gloire, tu sondes de loin le cœur des fils de l'homme. Nous prions principalement pour ceux de la France. Incline le cœur, ô Dieu de gloire, dans la zone de la repentance. Seigneur, nous prions, ô Dieu de gloire, que tu l'accordes de se repentir. Nous prions, Père de gloire, que tu imbibes ton peuple de ta puissance. Remplis, ô Dieu de gloire, ceux qui sont dans les rues pour prêcher. Remplis le Père de gloire de ton amour et surtout de ta puissance pour témoigner de ton Saint-Nom. Nous prions pour ses frères, pour ses sœurs partout dans le monde, Père de gloire. Nous prions principalement pour ceux dont-là qui se trouvent à Paris. Tous ceux, ô Dieu de gloire, qui se trouvent dans les métros, dans les gares, quel que soit, ô Dieu de gloire, le lieu où se trouvent pour prêcher son nom. Nous prions que tu les oins et que tu les utilises puissamment. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Dans après ces jeunes ici que nous sommes de faire, les trois jours que nous allons prendre là, nous allons prier principalement pour cela. Maintenant, regardez, ouvrez et fait le psaume 14, voilà, concernant la France. Écoutez. Psaume 14. Voilà. Je comprends pourquoi, quand vous lisez les Saintes Écritures vont devenir vivants maintenant. Vous allez entendre comment Dieu dit, il va effrayer la terre. Il va effrayer la terre. Donc, la terre va sentir, enfin, en tout cas, nous sommes plongés dans le moment où Dieu va titiller la terre. Il est resté tranquille, un peu comme quelqu'un, on tape les yeux, il ne dit pas. Ah, on tape les yeux, il ne dit pas. Dieu va montrer à la terre qu'il est le Seigneur toujours. Et ça, c'est partout. Tout le monde va sentir ceci. Que ce soit dans le pays musulman, il dit bien que ce soit dans le pays arabe. Un des sujets dont j'ai parlé ici une année, j'ai dit il y a des gens qui se trouvent à côté de la Kaaba. Vous vous souvenez? Des imams que Jésus a convertis. Et il leur a demandé de rester là-bas pour l'heure assez. Quand j'ai vu cela, j'ai dit waouh. Donc, quand les gens vont au pèlerinage, ils se tournent tout autour du Kaaba. Il y a des gens là-bas qui ont le Coran. Mais quand ils ouvrent le Coran, ils disent Jésus, tu es Seigneur. Ha! Hein, Seigneur, il se trouve là-bas. Alors, Dieu va accorder des visions aux gens là-bas. Il y a des gens, chacun, puisqu'ils se connaissent entre eux. Tu peux commettre le chèque, comment tu vas confirmer. Alors, quand quelqu'un voit sa révélation de Jésus, chacun garde seulement tant de le dire, tu vas voir. Alors, si il titille, quand le Saint-Esprit dit que telle personne a eu une révélation de moi, il l'approche. Il lui parle, il se convertit, il dit côté, tais-toi, reste ici. Il porte le blanc, il tourne là. La Kaaba sera détruite au nom du Seigneur Jésus. Ça, il dit que cette pierre noire dans laquelle se tourne, ça sera détruite. Parler des lieux saints. Donc, psaume 14, nous ne parlons même pas de cela. On y va. Regardez, ça c'est pour la France. C'est à cause de la France. Regardez, psaume 14. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme. Pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Vous voyez, effectivement, on va dire, dans le cadre de médias, on dit, waouh, il y a les découvertes scientifiques faites par les Français. On dit, c'était un gars d'un esprit intelligent. Mais Dieu dit que la personne qui est intelligente, c'est celui qui cherche Dieu. Dieu dit qu'il n'y a personne parmi eux qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Et puis il dit, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu de sens, le sens? Ils dévorent mon peuple. Vous voyez cela? Ils dévorent mon peuple. Ils le prennent pour nourriture. Ah, la France. Ils dévorent mon peuple. Ils le prennent pour nourriture. Ils n'invoquent point l'Éternel. Nous allons savoir de quoi il est question. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante, tant Dieu paraîtra au milieu de la race juste. Vous voyez ça, frère? Dieu va effrayer la terre. Nous sommes en plein là-dedans. Le moment va arriver, vous allez dire, même si initialement vos cœurs ont moqué les chrétiens, se moquaient des chrétiens, le moment va voir où, vous allez voir ce qui est écrit dans l'essence des apôtres, où les autres du peuple n'osaient pas s'approcher d'eux. On va savoir que les gens du groupe là ne t'approchent pas. Le moment de la rigolade est terminé. Ça, c'est terminé. Ça veut dire ça. C'est lorsqu'il s'agit de la religion où on fait des discours, où les gens discutent sur les idées, où discutent sur les idées. C'est l'heure du doigt de Dieu, la démonstration de la puissance. Où il entre, il frappe sans que chacun se met en garde, chacun se met au pas. C'est ce qui est en train d'arriver. Donc, ce n'est pas l'histoire des réunions, d'une réunion pour discuter, on discute sur le docteur, on va parler de quelque chose. C'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Et quand il va commencer, les gens vont savoir de quoi il est question. Suivez donc ces gens qui sont en prison. Suivez-les. Il parle du Cameroun là. Ceux-là. Vous allez voir la majorité des pasteurs vont sortir parmi les ministres. Dieu les a corrigés. Chacun est en train de voir. Il y a d'autres qui sont en prison maintenant qui ont des visions. Ils sont restés tranquilles. En tout cas, vous allez entendre. Vous allez entendre les ministres commencer à prêcher l'évangile. En tout cas, vous entendez, dites-moi comme ça, vous les visiter. Alors, la Bible déclare au verset 4: si tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens, ils dévorent mon peuple. Ils le prennent pour nourriture. Je ne veux même pas commenter là-dessus. Ils n'invoquent point l'Éternel. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste. Verset 6. Jetez l'opprobre sur l'espérance du malheureux. L'Éternel est son refuge. Oh, qui fera partie de Sion la délivrance d'Israël. Quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse. Israël se réjouira. Dieu va paraître au milieu de ses racines. Ils vont voir. On va savoir que quelque chose est en train de se passer. Ces peuples sont différents. Ils sont différents. Les gens, il y a des gens, comme je t'en ai parlé du cas de la France, il y a des gars, des garçons, des jeunes gens qui sont dans les rues. D'autres rentrent, ils disent, oh Seigneur, où est ta puissance, Le Seigneur va descendre, vous allez voir encore des choses, vous allez entendre des choses là-bas. Amen. Que Dieu bénisse. Éclaire la tête donc. Éclaire la tête.

parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom en mon âme perdue. Je veux n'être qu'à toi. Tendre Père, nous te remercions pour cette soirée. Nous te remercions, Dieu de gloire, pour tout ce que tu fais pour nous. Merci au Dieu de gloire. Tu as dit sans la révélation, au Dieu de gloire, le peuple est sans frein. Nous prions au Dieu de gloire que tu nous gardes, que tu nous diriges et que tu veilles sur nous. Seigneur, éclaire nos ténèbres. Père, qu'il oserait de lui-même marcher sur ta voie sans ton aide. Daigne nous éclairer, Père de gloire, par ton esprit et dirige nos cœurs vers toi. Tu as dit au Dieu de gloire que le cœur, les pieds qui boitaient dans le monde soient raffermis. Daigne raffermir nos cœurs et raffermir nos jambes, nos genoux au Dieu de gloire, afin qu'ils ne fléchissent plus dans le monde. Nous prions, Dieu, quand nous présentons nos cœurs entre tes mains ce soir. Je prie pour les frères, pour les sœurs, pour tous ceux qui entendent cette voix. Oh Dieu, que tu les fortifies, oh Dieu, et leur dis dans leur cœur qu'ils ont choisi le bon chemin. Qu'ils n'aient pas à avoir honte de ton Saint-Nom. Qu'ils n'ont pas à avoir honte de ton Saint-Nom. N'aient pas à avoir honte de témoigner qu'ils appartiennent au roi des rois Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, c'est merveilleux roi qui est venu sur la terre pour mourir pour nous, pauvres pécheurs. Donne-nous, oh Dieu, de gloire de témoigner de ton Saint-Nom. Seigneur, tu as promis, oh Dieu de gloire, d'être présent au milieu de nous. Et tu as promis, oh Dieu de gloire, ta présence dans ton peuple afin qu'il puisse témoigner. C'est pour cela que nous soupirons, oh Dieu de gloire. Je soupire, Père, pendant des années, Père, afin que tu oignes ton église par ta présence. Afin que lorsqu'on s'assemble en ton nom, Père, qu'on vive ta présence. Seigneur, que ta présence soit transportée dans nos familles, dans nos pays, dans nos différents pays, oh Dieu, afin qu'on sache que d'éternité en éternité, tu règnes. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vais parler maintenant du Sénégal. Je dis ceci parce que vous savez, j'ai dit tout à l'heure, lorsque je parlais de la France ou bien du Cameroun là, j'ai dit le cas de Togo de Bénévé, il revenait parce que c'est un stand-by. Mais je crois que j'en avais parlé dans un autre. J'avais dit qu'est-ce qu'il y a de commun entre Haïti et le Bénin. C'est ça, n'est-ce pas, frère? J'avais parlé de cela, oui. On arrive là-bas. Je vais parler pour le Sénégal parce que j'ai comme l'impression que ceci est très proche. Je parle du Sénégal. J'étais tenu quelque part et puis je regarde. Écoutez-moi très attentivement. Je suis tenu quelque part et j'ai vu des gens qui font des incantations. Je ne sais pas ce à quoi étaient ces incantations-ci, mais les répercussions étaient sur deux volets. J'ai vu quelqu'un faire des incantations et puis je dis, mais comment il peut arriver à faire ces choses-ci? Cette personnalité a pris, il a fait des incantations avec certaines choses qui soient comme peut-être les petites feuilles, je ne sais pas ce qu'il a fait, ou bien des herbes, un style d'herbe. Je ne sais pas quel genre de pratique qu'on fait au Sénégal. Mais ils se trouvent dans un endroit, l'air dans un champ. Vous voyez cela? Ce sont des gens qui se sont retirés. Je ne sais pas si c'est à trait à voir avec leur campagne électorale ou bien si ce sont des gens de pouvoir ou bien qui sont de faire certaines choses de ténèbres. Mais ce que j'ai remarqué dans ces choses, c'est écouter très attentivement. Je parle du Sénégal parce que nous allons prier également là-bas. Il faut qu'on prie. Et puis, cette personnalité, ce qui faisait ces choses-là, c'est dans un coin reculé. Personne n'était là. Écoutez bien. La Bible déclare qu'il n'y a rien de caché qui ne sera révélé. Souvenez-vous de l'île des deux rois, chapitre 4. Il y avait un monsieur là qu'on appelait Élisée. Vous voyez? Quand il sortait, il allait s'asseoir là-bas quelque part sous l'arbre alors qu'il méditait. Et le Saint-Esprit lui montrait tout ce qui s'est passé là. Et alors que le roi d'Assyrien était là, ils font le plan avec ses généraux. Ils mettent le plan de guerre. Ils déposent, ils disent, ok, toi, le général, tu vas prendre tel que tu passes comme ça. Comme le roi descend de Sion, il descend de ce côté-là, on va le coincer. Quand il prend le Saint-Esprit, il dit, ainsi par l'Éternel, va dire à David qu'il ne passe pas comme ça, qu'il y a des gens qui ont fait telle chose. David, il va là-bas, que ne pars pas là-bas. Quelque chose va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Le roi va, ils vont dans la forêt, ils attendent longtemps. Rien se passe, il dit, mais le gars, ça fait comment pour savoir qu'on devait faire ça aujourd'hui? La Bible déclare, il n'a pas fait ça une fois, pas deux fois, plusieurs fois. Le roi a compris, c'est ça, c'est le monde. La loi du service secret veut que si on fait un coup, on est à deux. Ça sort, c'est que ce n'est que toi qui as dit. C'est comme ça. Le roi s'est terminé, il a sorti son couteau. Vous allez me dire qui est parmi pour le roi d'Israël ici là. Vous allez me dire qui est pour lui. Il faut qu'on en finisse avec cette personne. Comment on fait le coup chaque fois, la personne ne peut pas parler. L'Esprit de Dieu est venu sur un de ces éléments. Il a dit, oh, roi vie éternellement, c'est une personne parmi nous. C'est un gars là, il est à l'extérieur de notre groupe ici. C'est qui? Élisée. C'est lui. Élisée n'assiste pas à la réunion. Il fait comment pour savoir? Il dit que tout ce que. Le gars lui a dit que parle de choses à la réunion de ta femme. Il entend. Parler de serviteur de Dieu. Or, ce n'est pas Élisée qui est le problème, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Voyez, suivez attentivement. A hormis le prophète. Écoutez, il dit le Saint-Esprit. Or, il ne révèle pas ces choses-là pour le jeu. Le Saint-Esprit ne vient pas faire le jeu. Il révèle les choses à dessein. Vous voyez, comme mon grand frère dit dans 1 Corinthiens 14, 6, il dit, de quelle utilité vous vénérez s'il vient vers vous, il parle en langue. Si mais il parle en langue, vous n'avez pas l'interprétation, ça vous édifie. Il dit, mais s'il vient à vous, il vous parle par enseignement, doctrine, révélation. Quand la révélation vient pour préparer l'église, quelque chose de mauvais en train d'arriver. Quelle est la chose? Quand ça va arriver, ça ne peut pas vous surprendre. Jésus a dit dans Jean chapitre 15, 16, verset 2. Il dit que je vous ai dit ces choses-là afin que quoi? Que lorsque ça arrive, quand ça arrive, vous croyez que ce que je suis. Ils vous mettront dans la guerre, lèvez-vous, qui vous fera mourir, croire, rendre culte à Dieu. Voilà pourquoi il dit, je vous préviens cela. Il y a des gens qui disent que non, l'église a publié les prophéties. Tout est écrit ici dans la Bible. Prends cette Bible, si mon cher. Ouvre le verset qui vous dit que me donne le nom de la femme que tu vas te marier. Ouvre. Il y a le verset comme ça. Il y a le verset comme ça. Okay. Le verset, donne-moi le chapitre, le verset qui dit la femme que tu vas te marier avec. Non, il n'y a pas. Ok. Il y a un verset qui dit que demain tu dois aller à Bamunda, sinon là où tu te trouves, là, la maison va s'écrouler. Non. C'est grave. Donc vous voyez effectivement, on confond la prophétie de la Bible et la prophétie des guides. Ce que Dieu a dit là-bas, c'est écrit. Ça ne peut pas changer. Donc, il faut s'en dire ici parce qu'il y a des gens qui disent non, il n'y a plus de prophètes. Les prophéties sont finies. Vous lui demandez que quel verset le dit. Il dit non, Hébreu chapitre 1 dit que Dieu, dans le temps avant, a parlé par le prophète. Maintenant, il parle maintenant par le Fils qui a établi toutes choses. C'est quand même curieux qu'après que Jésus, le Fils, soit venu parler, il part. Quelqu'un veut dire qu'il a fait les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. C'est quand même curieux. Donc quelqu'un prend Éphésiens chapitre, Hébreux chapitre 1, il dit que dans ces derniers temps, Dieu a parlé par le Fils. Qui est le Fils? Jésus. Jésus-Christ quitte la scène, il part. Quelqu'un nouveau vient, il appelle l'apôtre Paul. Il dit que comme étant monté, il a fait les dons. Mais je ne sais pas ce que j'ai la Bible où on lit. Vous voyez cela? Il dit que étant monté, il dit que voici deux argumentations de la Bible. Un autre humain se tient là, il dit que non, je peux vous prouver qu'il n'y a plus de prophète. Il dit, frère, vas-y, allons-y, avançons, on peut voir. Il dit que Hébreux 1:1, il dit, qu'est-ce que ça dit, frère? Il dit que Dieu, dans le temps passé, a parlé par le prophète. Au dernier jour, il a parlé par le Fils. Il dit, où est-ce que ça dit donc que les prophètes sont arrêtés? Non. Comme le Fils a déjà parlé, c'est Arthur. Donc, Agabus, alors, c'est un faux prophète. Agabus, dans la Bible, là, c'est un faux prophète. Il est avant ou après Jésus. Il faut la délivrance aux gens sur la terre, si il vous dit. Voilà. Donc, attends, laissez-moi parler du Sénégal. Alors, j'ai vu cet homme-ci parler de ces choses-là, des incantations. Je suis sur le Sénégal maintenant. J'ai vu cette chambre, il avait cette chose circulaire avec les choses à l'intérieur. Vous savez, il y a des femmes qui... C'est comme ça qu'il peut expliquer cela. Le ndolet, vous lavez le ndolet, puis on fait ça en légumes comme ça. Et puis, les gens font ça pour sécher. Ça veut dire que vous séchez, vous faites ça sur un endroit, ça sèche. Quand ça sèche, vous savez comment ça devient feuille, mais bizarre là, non? Quand on l'a mis sur un plateau, vous avez séché. Ça fait. Donc, c'est comme ça, c'est quelque chose qui est vu dans le... Dans ces songes-là. Maintenant, la différence, maintenant, c'est là où je suis en allé, pour qu'on puisse prier pour le Sénégal. C'est que cette personne, après avoir fait cela, ces choses-là, il ne sait pas, mais ça avec le feu comme le ndolet, justement. Il a pris, il a lancé en l'air. Quand il a lancé en l'air, j'étais en train de suivre ce que ça devait. Frère, c'est devenu une colonne d'abeilles. Donc, la feu qui était là morte, quand il a fait ça, il a fait des incantations. C'est de écoutez bien maintenant, écoutez bien. Parce qu'il a fait ça deux fois. Quand il a fait ça, c'est devenu une colonne d'abeilles, ça allait dans une direction. Ça poursuivait les gens. Je ne sais pas ce que ça signifie, cette abeille qui allait désordre. Mais le but ici, c'est de créer le désordre dans la population. Ça, c'est un. Deuxième fois, c'est la deuxième fois qu'il m'étonne encore la chose. Parce que le Saint-Esprit montre quelque chose dans les abeilles. Deuxième fois, quand il a fait sa chose, il a lancé en l'air. Wow. Quand il a lancé en l'air, la façon que la colonne l'abeille qui est sortie, c'est une ombre. On dit un ombre ou une ombre. Mais que ce soit une ou un, c'est l'ombre dont je suis en train de parler. Alors, quand ça s'est présenté d'abord en forme humaine, c'est un démon. Mais ce démon est constitué totalement de son corps, c'est de l'abeille. Et jusqu'à là, je ne sais pas si je me fais comprendre. Il prend ces choses-là qui est sur le plateau. Il lance en l'air. Première chose, ça a fait wouah. J'ai vu un essaim comme ça, en train d'aller dans une direction. Et ça allait, ça poursuivait les gens. Parce que ceci a une conséquence sur la population et sur les cultures. Parce qu'après ça, les sauterelles sont venues sur les cultures. Même le peu de cultures qu'ils avaient, ça a bouffé. À cause des incantations que les gens sont en train de faire, ça c'est au Sénégal. Donc, deux volets, ça va détruire les cultures et risque de créer des problèmes lors des élections qu'ils ont devant eux. Il faut qu'on prie. La politique, je ne sais pas comment on est entré dans la magie dans la politique pour que quelqu'un vote. vous dites, je vais être président. Si tu pas déjà fait la magie pour devenir président, ça veut dire que tu es un manipulateur. Ça veut dire que tu ne viendras pas au pouvoir pour manipuler, pour servir les gens. Tu vas seulement être au pouvoir parce qu'il va falloir que tu ne quittes plus le pouvoir. Toute personne qui sera contre toi, tu vas les tuer. Parce qu'il va falloir que tu te maintiens là-bas. Entre temps, tu vas devoir donner le sacrifice pour te maintenir ce pouvoir-là. Vous voyez où on se retrouve, frère? Il va falloir que tu entretiennes le pouvoir que tu en as donné. Or, l'autorité doit venir du Seigneur. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Ok. Je veux que vous compreniez une chose. Maintenant, je crois que si même ça vous scandalise, regardez-moi, je suis votre frère, d'accord? Ok. Je veux toute votre attention maintenant. Écoutez-moi très attentivement. Vous êtes là. On peut devenir président sans la volonté de Dieu. Vous pouvez être président. Vous durez même la même 50 ans, mais Dieu ne vous connaît pas. Ce n'est pas lui qui vous a mis là-bas. Vous savez ça, frère? Vous le savez. Ok, si vous le savez, je n'ai pas besoin d'explication. Je croyais que vous devez être étonné. Quand vous n'êtes pas étonné, vous mangez bien la parole. Quand vous n'êtes pas étonné, je n'explique plus. Donc j'avance qu'ils ont avancé. Donc cette colonne d'abeilles ici est d'abord sortie. Regardez mon nombre là-bas. Comment, frère? Vous êtes étonné, vous êtes un peu étonné. Ça veut dire quand même, ça veut dire qu'il y a quand même une autre chose qui n'est pas étonnée. Donc ça veut dire que. Moi, vous voulez poser la question, parce que comme on dit que tout se passe par la volonté du Dieu. Oui. On voulait poser la question de savoir si ceux-là qui font des incantations avant de devenir président. Oui. Est-ce que c'est toujours la volonté du Dieu? Non, ça c'est une autre chose. Voilà. C'est pas là que vous voulez. Regarde, le Seigneur peut surveiller quelque chose sans que ça soit sa volonté. D'accord? Oui. Voilà. Donc quelqu'un peut régner sur la terre sans être là dans la volonté de Dieu. C'est ce que moi je voulais savoir. Parce okay. que j'ai un peu les. Vous pose des questions sur ça depuis. Ne me posez pas de questions, laissez-moi parler du Sénégal. Vous avez dit que vous étiez d'accord, non? Tu n'es pas d'accord. Parce que toute autorité vient de lui. Tu parles. Alors maintenant, regardez ici. Regardez. Cette colonne d'abeilles-là, qui était formée, c'était un démon. Et puis, mais quand il marchait, vous avez vu les scènes d'abeilles, frère? Comment ils sont quand? Il dit l'abeille, les abeilles, là, on prend le miel. L'abeille, c'est ce qui produit le miel. Et donc, comme vous les voyez là-bas, nombreux, bizarre là-bas. Imaginez que c'est constitué comme ça, mais c'est la forme de l'homme. Mais il se déplace comme ça là, ça fait wouah, mais vous voyez la forme, comme c'était l'homme. Il n'a pas d'état d'âme, pas quoi que ce soit. Donc, il est censé aller créer le désordre dans la population sénégalaise. On doit se lever pour prier pour le Sénégal. Que durant ces campagnes, je ne sais pas si ce sont des campagnes électorales, ces campagnes de quoi? Que la population soit maintenue. Sinon, s'ils ne sont pas maintenus, vous allez voir les face à face et les gens vont être tués. Il dit pour le Sénégal. Et la conséquence n'est pas seulement pour l'élection présidentielle par rapport à ce qui va arriver, parce qu'il y aura les contestations, les bavures, ainsi de suite. La conséquence, c'est après cela. Parce que j'ai vu, après cela, les sauterelles manger les cultures. Les sauterelles manger les cultures. Parce que ce sont des démons qui étaient derrière ces insectes-ci. Vous me comprenez, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que quelque chose qui remue. Les mots français, là, c'est même quoi, cette histoire? Quelque chose qui vient dans la foule, ça fait que la foule se remue. Vous entendez les bruits comme l'abeille. Quand les gens sont allés crier, as-tu tête par-ci, par-ci, comme l'abeille, ça veut dire que les gens ne peuvent pas contrôler. Et là, ça veut dire quand l'abeille pique, il y a le poison. Et puis là, maintenant, ça s'entrepique à cause de ça. Et ça, vous allez voir si ça se passe, les gens sont dans les rues, c'est l'abeille qui est en train de le contrôler, l'esprit qui est derrière. Mais après cela, c'est tout dans leur culture, les cultures, crops, au champ. Les plantations, les choses qu'on a fait, les petites choses. Les insectes vont bouffer. Quelqu'un va aller au champ et dit, ah, hier, il y avait la verdure ici. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ça, on va voir cela. Scientifiques vont venir dire, oh, pulvérisons l'insecticide là-dessus. Ils vont dire, ils ne savent pas que les gens ont fait des incantations dans les ténèbres. Vous voyez où on se retrouve, frère? J'arrive avec la Côte d'Ivoire avec les sacrifices qui sont faits là-bas pour garder. Pour garder l'homme au pouvoir. Bon. Je crois qu'on est fini. Donc il faut qu'on prie pour le Sénégal. On peut prier, frère. Prions pour eux. Souvenez-vous, c'est la Bible que nous donne les injonctions qu'on doit prier. Prier les uns pour les autres. Les uns pour les autres ne sont pas seulement les uns de son pays. On doit prier partout où Dieu monte. Nous sommes concernés. Il dit que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères partout dans le monde. Vous voyez que pour lui, les chrétiens sont dans un village planétaire, n'est-ce pas? On n'a pas de limites ici. Alors nous allons prier pour le Sénégal. Que Dieu protège le peuple sénégalais. D'accord? Que cet esprit n'a pas d'impact sur eux pour qu'ils ne s'entretuent pas à cause des différents positionnements. Tous ces leaders qui viennent là, c'est pour manipuler le peuple, c'est pour être au poste dont ils veulent. Quand ils montent là-bas, vous ne pouvez même pas leur rendre visite. Vous ne pouvez même pas venir. On va dire que non, c'est le président est occupé, ainsi de suite. Pourtant, quand ils font leur campagne, ils viennent vers vous pour solliciter les suffrages. Quand ils finissent de monter maintenant, c'est leur famille et leur empire qui construisent. Prions. Tendre Père, nous prions pour le Sénégal. Nous prions, Dieu de gloire, que tu visites ce peuple, que tu, ô Dieu de gloire, protèges le cœur de ce peuple, de ces populations contre la manipulation. Nous prions, ô Dieu de gloire, que tu, ô Dieu de gloire, protège leur esprit de ces populations, ô Dieu de gloire. Protège, ô Dieu de gloire, leurs familles, les différentes familles. Seigneur, que tout esprit de mensonge, tous ces esprits prononcés contre eux pour les manipuler, ô Dieu, soit brisé dans leur vie. Donne-leur de comprendre la vérité, de marcher dans tes voies. Enseigne-leur, ô Dieu de gloire, dans leur cœur, la crainte. Donne-leur, ô Dieu de gloire, de marcher dans tes voies. Que ton nom soit glorifié. À la maison, vous continuez à prier pour ces pays, ces différents pays, ces différents points-ci. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Sois l'adoration. ensemble louant le Seigneur et nous ferons quoi? Nous verrons sa gloire. J'aimerais que tu voies la gloire de Dieu ce soir. Si tu ne l'as jamais vu, que tu la voies. Amen. Saint Jean, que peut-être tu ne connais pas, mais j'aimerais que ceux-là qui connaissent ces chants, que nous puissions apprendre à ceux-là qui ne le connaissent pas. Amen. Senga, Senga Mukwashi, Senga e. Senga, Senga Mukwashi, Senga e. Que tu muite Senga e. Senga, Senga Mukwashi, Senga. Avec la sable que tu m'aides Senga yo Senga Senga Mukwashi Senga. Est-ce que tu peux chanter avec nous que tu m'aides Senga yo Senga Senga Mukwashi Senga. Ikiobe kiaba e présente quelqu'un. Tu as donné le temps au médecin, même au paramalade. Tu as donné le temps aux connaissances que tu as, mais tu es toujours bloqué. Tu as laissé le temps aux hommes, mais là j'aimerais que tu laisses le temps maintenant au Saint-Esprit. Que tu lui accordes le temps. Quand tu lui donnes le temps, lui ne joue jamais. Et tu m'étais Senga, yo Senga, eh. Senga, Mukwashi, Senga. Et tu m'étais Senga, yo Senga, eh. Senga, Mukwashi, Senga. Pour ceux-là qui ne comprennent pas, ce chant veut dire ceci. Oh, toi le consolateur, c'est ton temps, viens opérer des miracles. Amen. Tu as besoin d'un miracle quelque part. C'est pourquoi ce soir, nous voulons chanter ce chant. Si tu ne comprends pas, je m'en amène à connaître à moi. Hey, hey, ne bien tumbo e io be kaba che a culonga e più che no e ne bien tumbo e che tu mi te senga e senga e senga Mukwashi. Senga, eh. Que tu m'aides, Senga, yo Senga, eh. Senga, Mukwashi, Senga, eh. Ikabe kiaba, eh. Ikabe kiaba, kia kulonda, eh. Biyukeno, eh. Senga, yo, Senga, Senga, Tout ce que vous demanderez à mon nom, je vous l'accorderai. Qu'est-ce que tu peux demander ce soir? Fermez-vous. Que les portes fermées sous. Que les portes fermées sous. Oh, enfa, papa. Yeah. quoi. D'appeler ta présence. J'ai soif de ta présence. Quel numéro? Numéro 249. Numéro 249 dans le champ de victoire. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai soif de ta présence. Divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre, rôdent autour de moi. Merci pour ta présence. Merci au Dieu de gloire pour ta présence dans nos cœurs, dans nos vies, dans notre pays et dans le monde. Merci Seigneur parce que tu nous as promis ta présence. Et ta sainte présence, au Dieu de gloire, comme le dit ce cantique, c'est effectivement la vie éternelle. La présence de Dieu nous donne la paix. Nous prions au Dieu de gloire qu'en ce moment, au Dieu de gloire, nous soupirons devant de toi pour ta présence, que tu daignes te présenter à chacun de nous. Que ta paix règne dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pays respectifs. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Veuillez vous saluer. Bonsoir, bonsoir. Sia, que Dieu vous bénisse vraiment. S'il y a un moment où nous avons vraiment besoin de sa présence, vous voyez, c'est ce moment-ci. Que le Seigneur vous bénisse. Quoique le cantique est bien positionné pour qu'on parle encore, n'est-ce pas? Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. En t'asseyant sur une chaise, là, ça ne peut pas te renverser. Si c'est possible, tu lui donnes cela. Tu prends la chaise qui est plus dure, non? Ou bien tu mets celle-là ici. Quand vous pesez, ne vous asseyez pas sur les chaises qui sont mous comme ça, d'accord? Voilà, là tu t'assois tranquillement. Tu es à l'aise, non? Vous allez bien, les soeurs, hein? Je veux une Bible, s'il vous plaît. Donc nous allons prier pour le Cameroun. Une Bible. Vous avez une Bible qui est libre là? Okay. Nous allons prier pour le pays. Comme nous avons vu dans ces cantiques là que la présence, non pas la lumière de Dieu brille dans le haut lieu de ce pays. C'est-à-dire que la lumière brille pour chasser les ténèbres. Cette fois-ci, c'est au sens propre. N'essayez pas de me regarder comme c'est dit en parabole. Écoutez bien ce que je viens de dire. Donc, comme vous avez dit dans ce cantique-là, que la lumière de Dieu, nous allons prier après ceci, d'accord? Que la lumière de Dieu brille et chasse les ténèbres. Parce que si les ténèbres ne sont pas chassées, à l'issue de ceci, même si vous nettoyez, vous enlevez les racines de l'arbre, ça ne changera pas la situation. C'est la Bible là-bas. Ok. Merci. Ça, c'est la version d'Abbé. J'espère que vous allez vous en sortir avec ça. La maman m'a donné seulement la version d'Abbé maintenant. Bonsoir, les soeurs. Bonne arrivée. Ça n'a pas été facile, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. On vient tout juste de commencer. Je viens de prendre la Bible. Vous n'avez même pas encore commencé. Donc, vous n'êtes pas en retard. Donc, nous allons prier à l'issue de tout ce que je vais dire là. Nous allons prier pour notre pays. Nous allons prier. Voilà, elle a donné Louis II et Gabi, puis j'ai choisi laquelle. Bon. Je les mets toutes deux là. J'espère que les enseignements là, concernant les mauvaises pensées, vous les avez écoutés, réécoutés et réécoutés. Parce que quand on va commencer, on va entamer dans la dixième partie. Il faut que ça soit vraiment stable dans le cas avant qu'on commence avec l'ABC. Parce que l'ABC, je vais vraiment y insister pour qu'on puisse savoir de quoi il est question. Il va falloir que vous restez comme ça, vous regardez quelqu'un en parlant avec la bouche, votre cœur prie, effectivement. Il faut qu'on arrive à ce niveau-là. C'est-à-dire que, bonsoir, ma soeur Aude, bonsoir. Oui. Là, maintenant, j'étais en train de prier pour une femme qui est à côté de son bureau. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Quelqu'un qui est en train de porter les documents comme ça entre les mains. Tu vois cela? Ça, c'est pour celle-ci qui vient de prier maintenant. C'est comme ça que je suis en parler. Alors, je dis, il faut que vous écoutiez la 9, jusqu'au 9e partie. Lorsque vous allez écouter, il faut qu'on continue. Mais avant cela, je veux qu'on prie pour le Cameroun. Avant, j'avais dit certaines choses concernant encore le pays. Vous vous souvenez de ce qu'on a dit la dernière fois, n'est-ce pas? Je veux toute votre attention maintenant. Donc, nous allons prier. Le sujet de prier, c'est que la présence de Dieu, ou mieux encore la lumière du Seigneur, chasse les ténèbres dans les hauts lieux de ce pays. À ce sens propre, souvenez-vous du haut lieu dont je suis en train de parler. N'est-ce pas? Voilà. J'ai vu des groupes de personnes qui avec des machettes, qui se sont préparées avec des machettes. Ils parlent dans notre pays. Ils parlent du Cameroun. Des groupes de personnes se sont tenues avec la machette. Quand je regarde ces choses, je ne sais pas si les gens si sont des êtres humains normaux comme nous, vous et nous. Ou bien, ce sont des êtres qui veulent pousser les gens dans cette direction-ci, à commencer à prendre les machettes pour les uns les autres, pour commencer à couper. Et cette réunion-ci qui se passe, les gens parlaient dans une certaine langue en disant, les gens ont identifié déjà que, ok, si ça commence, je connais telle personne, vous voyez ce que je suis en train de parler, n'est-ce pas? Donc, je crois que ce que le Seigneur a de faire, si on arrive à ce niveau-ci, les gens qui commencent à tuer les êtres humains avec la machette, ça, c'est pas bon. Nous allons prier contre l'esprit de génocide. Vous me suivez, frère? On n'a pas arrivé jusqu'à ce niveau-là, quand même. Je les ai vus comme ça, j'ai dit, ça c'est depuis une semaine. Et puis voir les gens commencent à... J'ai vu particulièrement un an, mais ces gens-ci, ce qui est étonnant, vous remarquez que dans les autres choses que j'ai dit ici, j'ai vu des jeunes dans la rue. Ce qui est étonnant dans ce que j'ai vu dans ces rassemblements, c'est pas un grand rassemblement, c'est un truc restreint, un groupe restreint. J'ai vu des patriarches comme des vieillards. C'est pour ça que ça m'étonne, parce que normalement les grandes personnes de cet âge, ils doivent réfléchir de cette façon-ci. C'est pour ça que c'est justement pourquoi ça m'étonne. C'est comme si ce sont des êtres, parce que j'ai vu quelqu'un avec son gros ventre, là, une personnalité, une personne agir d'une certaine façon, costaud avec des gros ventre. Mais la façon dont j'ai vu cette personne s'est attachée le poing, ça montrait que c'est une personnalité, une grande personnalité. Mais le voir avec les machettes, ça m'étonne. Normalement, on pouvait dire que ce sont les jeunes garçons, pour les jeunes, peut-être parce qu'ils manquent de l'emploi, qu'on peut comprendre qu'ils sont dans les rues. Ça, ce que j'ai vu, ce que je me dis que j'ai vu, ça, c'est pas dans les rues encore. D'accord? Je ne les ai pas vus dans les rues en train de descendre. Mais j'ai vu dans une réunion où il y avait des machettes qui étaient déposées. Et puis, ils parlaient de ces situations-ci. Dans cette machette-ci, ils parlaient dans leur patois. Et pendant qu'ils parlaient, j'étais tenu là, j'entendais ce qu'ils disaient, c'est qu'il faut qu'on en découvre avec cela. Il était question donc de distribuer les machettes et exhorter certaines personnes. C'est un groupe réuni. Et à l'issue de ce groupe, on devait relayer le message. Je n'ai pas vu dans la rue. Je ne les ai pas vus descendre dans la rue. Je n'ai pas vu des tueries. J'ai vu ces groupes se réunir. Et j'ai vu en train de discuter sur ces sujets-là. Mais parmi les gens, 4 ou 5, il n'y avait pas de jeunes parmi. C'était des gens qui sont grands en âge, avancés en âge. C'est pour ça que ça m'étonne. Donc, je ne sais pas si c'est les chefs de village, mais ce sont les personnalités. Quand je vois leur habillement, la façon qu'ils sont habillés, mais avancés en âge, c'est pas bon. Pas bon. Si on a commencé à manipuler les gens, c'est pas bon. Donc, on va prier contre l'esprit génocide. Il y a ces choses-ci, on dit tu es tel tribu. Mais qui est finalement, véritablement, qui a la vraie nationalité? Qui? C'est dans ce monde-ci. Personne n'est originaire de sa propre patrie. Personne. Si vous regardez l'origine et la façon que le globe tourne, tout le monde, sans exception sur cette terre-ci, a été déversé en captivité. Tout le monde. Personne n'est originellement là. Vous prenez le président américain. Vous le suivez, vous allez voir le sang allemand coule dans ses veines. Vous prenez le président actuel, le président français actuel. Vous suivez bien, vous allez voir que le sang australien coule dans ses veines. Vous prenez Angela Merkel de l'Allemagne, vous la suivez très attentivement, vous allez voir que le sang italien coule dans ses veines. Finalement, qui est qui? Bon, maintenant, si on va en Amérique, on dit que qui est américain? Les vrais Américains, c'est qui alors? N'est-ce pas, on fait les généalogies des Américains tout à l'heure. D'autres se retrouvent en Haïti, qui sont des descendants des Haïtiens. D'autres, ils sont des Béninois. Donc, en même temps que tu es en Amérique et tu es un de tes parents haïtiens et l'autre parent camerounais. Finalement, tu es quelle nationalité? Comment on s'entretient? Tous, sans exception sur la terre était bouleversée. Qui va être chacun nomade en réalité? Qui peut donc dire clairement que voici mon pays? Nonobstant ces petites déclarations-là, vous avez la carte d'identité. Enfin, j'ai même vu la carte d'identité, un chinois présenter une carte d'identité camerounaise. Quand vous voyez un chinois camerounais, frère, mais la carte d'identité, il faut certifier que tu es un camerounais, pas vrai? Pour quand vous voyez un noir, il dit que je suis français. Il est français, frère. L'ancien président français, Nicolas Sarkozy, il est de quelle origine? Il est la Hongrie, c'est la France, frère. N'est-ce pas lui qui a mis des bâtons dans les roues pour les immigrants, dont un étranger qui lutte contre les étrangers? Finalement, qu'est-ce qu'on en est? La Bible déclare que nous sommes étrangers et voyagers sur la terre, donc personne n'est autochtone. Personne. Et ici, maintenant, nous trouvons dans un pays où il y en a près de 300 tribus. Dans cette cohésion-ci, si chacun se lève contre chacun, s'il me lève contre toi, bon, je ne sais pas de quelle tribu, je n'ai jamais eu me réfléchir comme ça. Quelles sont les différentes tribus qu'il y a même ici? C'est les tribus célestes, ça. Pas vrai, ça? Parce qu'on n'a même pas besoin de cela, pas besoin de savoir tu es d'eau. Mais c'est dans l'ordre des choses que dans le monde, ces choses se passent. Parce qu'il n'y a pas d'amour véritable là-bas. Ce sont les jeux des intérêts. Alors donc dans le Cameroun, il ne faut pas que ces choses se passent. Il ne faut pas que les gens s'élèvent machette avec machette. Ça, c'est un groupe qu'il faut détruire dans la prière. C'est un groupe, une pensée qu'il faut détruire dans la prière. J'ai comme l'impression que c'est une pensée émise. Parce que quand ils regardent ces choses-ci, c'est comme... ils vous disent, ils ne sont pas dans la rue. Je les ai vus s'asseoir dans un comité, là, parler, et ils parlaient en patois. Ils vérifiaient que les personnes qui sont dans le groupe soient des gens authentiques et des gens qui peuvent relayer le message. Donc, ce sont des personnalités, des personnes âgées. Donc, on va prier contre l'esprit de... Voilà, dans le deuxième sujet de prière. Premier sujet de prière, on prie pour le haut lieu, que la lumière, la présence de Dieu chasse les ténèbres. La Bible déclare que lorsque les méchants sont multipliés, si vous voyez la méchanceté sur la terre, c'est multiplié. Bien, les méchants sont multipliés sur la terre, c'est parce que dans les lieux élevés se trouve de l'injustice. Dans le lieu élevé, dans un pays, le lieu élevé, le lieu de gouvernance, quand il y a l'injustice, les méchants sont multipliés sur la terre. C'est la Bible qui dit. Donc si vous voulez savoir s'il y a la justice des deux côtés, vous pouvez regarder. Si vous regardez là-bas, vous voyez la justice là-bas. La Bible déclare que la nation sera élevée. C'est la justice qui élève une nation. Et s'il y a la justice, ça veut dire que les hommes justes, oh, parce que la justice ne peut pas régner sur les hommes injustes. Ça règne sur les hommes justes. Pas vrai? Et donc ici se trouvent donc deux choses. L'injustice qui règne parmi le peuple au sommet, et par conséquent c'est la méchanceté. Parce que c'est l'injustice qui est là-bas. Je viens, je récupère ton terrain. On renvoie la personne décide de te nuire en justice. Qu'est-ce que tu as à faire? C'est de rester chez moi, chez toi, crier. Vous voyez? Et tous ces cris-là, quand il y a de l'injustice comme ça, accumulé, ça crie. Le sommet de la nation est pourri. Les méchants sont sur la terre parce que tout le monde se croit tout permis. Et voilà donc là où Dieu intervient maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut saccager la carte depuis le haut jusqu'en bas. Donc nous allons prier que la puissance de Dieu, ou mieux encore la lumière du Seigneur ou sa présence, dégage les ténèbres. Écoutez bien. Ceci est en rapport avec le dernier message de l'arbre. Vous regardez l'arbre, vous allez dans le champ, l'arbre est tellement colosse. Mais vous regardez à l'intérieur, vous voyez que la feuille verte est en train de tomber. Beaucoup de feuilles mortes tout autour, donc l'arbre meurt, c'est meurt dedans. L'arbre est vieux, pas vrai? Maintenant, là, les écailles peuvent commencer. On peut utiliser comme ça, les écorces. En fait, vous voyez comment les écorces de l'arbre sont déjà cassées. L'arbre est cassé. Vous me suivez? Ézéchiel, écoutez maintenant bien, écoutez bien. Ézéchiel, chapitre 38. Je parle du Cameroun. Je vais juste lire et vous regarder. Merci, Père. Oui. Je vous ai donné ce Ézéchiel, ce chapitre 28 et 27 la dernière fois. Que vous lisiez cela. Et le chapitre 30 et 31, n'est-ce pas? N'est-ce pas ce que vous suivez? Quand il parlait de l'arbre ici. Vous suivez cela? Vous avez suivi, vous avez lu cela? Vous avez lu la chute de l'arbre là, n'est-ce pas? Vous voyez que même dans... Écoutez, il parle du Cameroun. Même les captifs de Sion sont rentrés. Quand les captifs de Sion viennent pour embrasser leur famille de la maison, ils disent, ouf, en captivité, ce n'était pas facile. Donc, il y a le chant d'allégresse. Alors, quand les Sion retournent de la captivité, les Sion n'est pas allé en captivité à cause du fait que... Oui, les filles de Sion ne sont pas allées en captivité du fait que Sion le voulait ou bien quoi que ce soit. Parce qu'il y a eu une cause et ils sont allés en captivité. On peut avoir défié aller en captivité. Mais il y a un décret qu'il faut le faire sortir, pas vrai? Comme le cas de Cyrus, comme ça, ou comme le cas de libérer le décret. Vous voyez cela? Et donc, toutes les filles de Sion rentrent en liberté. Quand elles rentrent en liberté, écoutez bien. Ésaïe chapitre 38. Une des fois. Non, je vous ai demandé de lire. J'ai dit Ézéchiel. Et puis, je me suis souvenu, donc, je vous avais déjà donné ça ici, de lire. C'est pour ça que je vous ai préparé. Maintenant, allons dans le livre d'Ésaïe. Ok, merci, Père. Je veux toute votre attention maintenant. Parce qu'après, je vais lire ceci. Je ne sais pas comment ça va aller. Après, je vais lire. Je vais dire ce que j'ai à dire. Mais si la lecture dit ce que ça a dit, je me tais, on prie. D'accord? Dans un des messages concernant la repentance dans ce pays-ci, j'ai comme l'impression que nous avions lu ce passage-ci. Et nous avions lu aussi le livre de Daniel, où il était question que Nebuchadnezzar sera châtié pourquoi pendant 7 ans. Et puis, je me dis, hé, ne dites pas ces choses que je dis ici. Maintenant, écoutez ceci. Écoutez ceci, je suis responsable de ce que je vais lire. Vous tous qui m'écoutez, écoutez-moi bien, vous êtes responsable de ce que vous allez entendre. Mais souvenez-vous de la première chose que j'ai dite. Il dit que prions, j'ai dit ceci, c'est au sens propre du terme. Prions pour que la présence de Dieu chasse les ténèbres dans les hauts lieux de ce pays. Quand il dit ici, prions, après ça va prier, continuez cela dans votre prière parce que c'est la conséquence, ça va aller vite. Alors, on a vous dit, les gens sont dans les rues. Voici encore des foules qui descendent encore dans les rues. Cette fois-ci, je parle du Cameroun, les rues vont crier. Ça, c'est devant nous encore là maintenant. C'est devant nous. C'est tout. C'est comme si c'est tout le monde qui sort. Oh, c'est terrible. C'est devant nous. Cette fois-ci, vous parlez de braver l'autorité. Vous parlez de braver l'autorité. Notre groupe arrive. Je crois que c'est en train de résister, c'est pas vrai? Ok. Vous parlez de braver l'autorité. Voici notre groupe qui est en train d'arriver. La tension va monter d'un cran. Préparez-vous. Vous avez les tapioca, frère? Moi, je compte sur vous. Vous avez le riz? Moi, je compte sur vous. Même si vous avez envoyé riz par SMS, il n'y a pas de problème. Alors, Esaïe, chapitre 38. Nous parlons, je parle du Cameroun. Après, je vais revenir sur la France avant le Sénégal. Je sais pas pour le Togo, le Bénin. Une autre fois, je vais en parler avec la Côte d'Ivoire. Ces jours-ci, c'est grave. En tout cas, dans ce pays, pendant que j'en ai de prier, le Saint-Esprit dit que ces événements qui se passent dans le pays, il a fait grâce au Cameroun au point où il a donné même les choses si au même aux non-croyants. Écoutez, ça dit que. Mais c'est terrible ça. Il dit tout à l'heure, pendant que j'étais en train de prier avant de venir ici, la façon que le Saint-Esprit m'a dit, ce que je suis en train de vous raconter, c'est une chose. Maintenant, même prier pour me présenter devant vous, c'est une chose. Je suis en train de prier, le Saint-Esprit dit, cette chose concernant le Cameroun, le Saint-Esprit a donné des détails même aux non-croyants. Donc il y a les non-croyants qui ont des événements. Ben, comme ils ne savent pas ce qui se passe, ils voient des événements dans les songes, ils ne savent pas ce qui arrive. Mais Dieu les avait dit. Dieu les avait dit. Mais il dit même les non-croyants. J'ai dit c'est tout à l'heure. Et puis je dis, mais les non-croyants. Donc Dieu a averti. Donne les événements. Qui va se passer même aux non-croyants. J'ai dit pour le cas spécifique du Cameroun, pour leur dire, préparez-vous. Des gens rêvent, après ils se lèvent et disent, ah. Et puis regarde la télévision. Regarde tout, tout semble normal. Et puis porte par porte. Donc un autre groupe s'élève. Ce groupe-ci, quand j'étais allé regarder dans la prière, vous savez, le groupe de femmes, vous toutes qui êtes là-bas, levez-vous voir les femmes là. Toutes celles qui sont sur la ligne droite. Voilà, essayez de prendre votre bureau et vous montrer quelque chose. Parce que la façon que je suis en train de regarder cela. Arrêtez-vous comme ça. Les mains dans les mains, les épaules comme ça. Voilà, vous voyez ça? Vous voyez? Voilà. Vous avez vu cette ligne-ci? Vous avez vu la façon elles sont arrêtées. Elles ne sont pas arrêtées les mains au niveau des mains. Mais les poignets, comment vous appelez la partie? C'est entre le elbow. Ça c'est elbow. Les coudes, c'est ça? Les coudes se passent entre elles, comme ça, dans les rues. Quand cette personne s'arrête comme ça, c'est pour dire que on est ensemble, on fonce pour les mêmes causes, dans une alliance. Et remarquez la façon dont ces femmes se sont debout, regardez, et les couleurs de leurs foulards sont différentes, et les couleurs de leurs jupes sont différentes. Donc c'est les gens mixent, c'est mix, ça, ceux qui sont dans la rue. Regardez ça, ceux qui sont dans la rue, parce que si c'est un parti, ils vont avoir les mêmes tenues. Vous voyez cela? Ça c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Vous êtes 6 là. Donc c'est plusieurs personnes qui descendent dans la rue. Enfin, ou encore plusieurs groupes. Asseyez-vous. Parlez des défis d'autorité. Cameroun, où est-ce qu'on se dirige? En tout cas, ceci va pousser à bout au fur et à mesure. Au fur et à mesure. C'est le vent qui fait tomber l'arbre. En tout cas, c'est. Vous savez, l'arbre pourri, la saison s'est levée, la saison pleuvée vient. Avec le vent qui souffle d'un côté au autre, d'un côté au autre. Et puis subitement, vous, bam, le vent tombe. Là quoi, le vent pousse l'arbre et l'arbre tombe. Je peux lire maintenant. Et Dieu vous bénisse. Faites-en bon usage. En ce temps-là, chapitre 38 d'Esaïe. Vous savez, en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Vous avez ça dans vos frères? Amen. Je veux que vous vérifiez que c'est dans la Bible. Je ne suis pas en train de parler, je suis en train de lire. Ok. En ce temps-là, Ézéchias, c'est-à-dire que, en tout cas, si vous voulez vous enlever Ézéchias, c'est-à-dire que le roi, Vous comprenez, n'est-ce pas? Vous êtes trop sage. En ce temps-là, Ézéchias, connaissez qui est Ézéchias? Connaissez bien Ézéchias, n'est-ce pas? Connaissez Ézéchias? Vous connaissez Ézéchias, frère? Merci beaucoup. En ce temps-là, j'insiste là-dessus parce que j'ai parlé de temps plus tard, enfin plus tôt. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Esaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit: ainsi parle l'Éternel, donne les ordres à ta maison. Lisez la suite ensemble, 1, 2, 3. Car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Encore. Car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Point de suite. Fermé. Nous allons prier donc pour le pays, comme je dis là, pour les deux volets là. On va prier, d'accord? On va prier. Que la lumière de Dieu brille dans le haut lieu. Que la lumière de Dieu brille dans le but, que la lumière brille dans le haut lieu. J'ai regardé les gens qui sont enchaînés. Je parle du haut lieu. Je parle du Cameroun, le haut lieu. Des gens qui confessent Jésus-Christ de leur bouche, qui étaient là attachés par les ténèbres. Ils ne pouvaient pas influencer. Mais se positionnant, étant dans le haut lieu, dans le lieu le plus élevé, étant des gens qui lisent la Bible, vous entrez dans son bureau, vous allez voir la Bible déposée à sa droite comme ça, dans son bureau, dans le haut lieu de ce pays. Mais il ne peut pas parler de cette Bible là-bas. Pourquoi? Le puissant des ténèbres règne là-bas. Alors, pour préparer la place à cette personne, ce qui est en train d'arriver, il faut que le puissant des ténèbres quitte là-bas. Amen. Souvenez-vous, il a fait les habits comme là, son vêtement là, comme ça. Vous voyez? Alors, nous allons prier que la puissance de Dieu, la puissance que Dieu envoie sa lumière, que ça chasse les ténèbres là-bas. Les ténèbres, que ça dégage les ténèbres. Vous allez voir les dégâts que ça va causer. Les dégâts que ça va causer. On peut prier, frère. Deuxième style de prière, deuxième sujet de prière, on prie contre l'esprit des génocides. Les gens sont en train de débuter quelque chose, ils ne savent pas ce qu'il en est. Si ces gens, ce que j'ai vu, ce groupe, ce sont les choses qu'on a préparé dans le spirituel, ça risque de prendre les gens. Et la haine, subitement, vous allez voir quelqu'un qui est d'un village autre, vous allez commencer à avoir de la haine pour cette personne sans vous en rendre compte pourquoi vous avez de la haine pour cette personne. Ça, c'est dangereux. Donc, prions pour cela. Allons-y, on prie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Prions. Tant de Père, tu as dit les ténèbres ne régneront pas toujours. Seigneur, tu as dit les ténèbres ne régneront pas toujours. Tu as dit les ténèbres ne régneront pas toujours. Seigneur, tu as dit que ce peuple qui était assis au Dieu de gloire dans les ténèbres, une grande lumière paraît. Nous te soumettons au Dieu de gloire, le haut lieu de cette nation. Tous les ténèbres qui règnent paix de gloire, nous prions que les ténèbres disparaissent par la présence, par ta présence. Envoie ta lumière, ô Dieu de gloire, disperser les ténèbres dans ces lieux. Que la lumière brille et chasse les ténèbres dans le haut lieu. Seigneur, tes enfants de par le monde comprennent de quoi ils sont en train de parler. Et les ténèbres comprennent de quoi il est question et de qui il est question. Père de gloire, que ta lumière chasse. Tu as dit, tu as donné ta promesse que les ténèbres ne régneront pas toujours. Seigneur, on doit parler à la loi et au témoignage pour qu'il y ait de l'or pour le peuple. Selon ta volonté. Que ta justice, Père de gloire, parle. Pour que ce soit vers les ténèbres, pour notre espèce pays vers les ténèbres, où se trouvent les ténèbres, que ta lumière luise, Père, que ta lumière luise, Père, que ta lumière brille, Seigneur, et dissipe toute forme de ténèbres, Seigneur, toute forme de ténèbres, Seigneur, dans les hauts lieux du Cameroun, Père, dans les hauts lieux du Cameroun, Père, les ténèbres, que ta lumière luise, que ta lumière luise, qu'elle brille, Seigneur, et chasse, Père, toutes les ténèbres, Seigneur. Toutes les ténèbres, oh Dieu, dans les hauts lieux du Cameroun, Père des ténèbres, nous te supplions, Seigneur, fais-lui ta lumière, fais-lui ta lumière, pour que ta présence, Seigneur, que ta présence chasse, Père, que ta présence est ici, toutes les ténèbres, toutes formes de ténèbres dans notre pays, Seigneur, et dans les hauts lieux de ce pays, que ta lumière luise, Seigneur, et dissipe, que ta lumière luise, Seigneur, et dissipe toutes ténèbres, Père, toutes ténèbres au Cameroun, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père éternel, ta lumière. Ta lumière, Seigneur. Tu as vu que les ténèbres ne régneront pas à ton jour, Seigneur, quel que soit. Quel que soit le temps que les ténèbres ont mis dans les hauts lieux de ce pays, Seigneur. Oh, tu peux lever ta lumière, Père éternel. Tu peux lever ta lumière dans tous les hauts lieux du Cameroun, Père éternel. Que tu chasses les ténèbres, Seigneur. Tu chasses une foule des ténèbres au dehors. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, fais-lui ta lumière. Fais-lui ta lumière, Seigneur. Fais-lui ta lumière, Seigneur. Oh Dieu tout-puissant. Dans les sphères du Cameroun, dans les hautes sphères du Cameroun, Seigneur. Dans les hauts lieux du Cameroun, Père éternel. Dans chaque ta lumière, lui, c'est que chasse. Que ta lumière, lui, c'est que chasse. Que ta lumière, lui, c'est que chasse. Que chasse toutes tes ténèbres, Seigneur. Toutes les ténèbres, Père éternel. Que ta lumière, lui, Père éternel. Et chasse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fais-lui ta lumière, Seigneur. Fais-lui ta lumière. Prions et dispersons tout esprit de génocide qui veut créer des génocides. Ils vont boire du sang au travers des génocides. Prions. Dispersons ces esprits, ces pensées. Dispersons. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans quelque lieu que ce soit. Prions, prions. Ô Père, nous dispersons au nom de Jésus-Christ. Dans les parois, Cameroun, Père éternel. Nous dispersons au nom de Jésus-Christ. L'esprit des génocides, Père, dans cette nation. Dans le nord du pays, Seigneur. Au sud du pays, à l'est, à l'ouest du pays, Père éternel. Oh, nous chassons de cet esprit de génocide. Oh, Père éternel, qui veut pousser les uns et les autres à s'en tuer, à se haïr à la mort. Père, nous chassons cet esprit. Nous chassons cet esprit, Seigneur. Si tous les temps du diable national, au Cameroun, Père, nous chassons cet esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous chassons cet esprit. L'esprit de génocide, Seigneur. L'esprit de génocide, Père éternel. Oh, de cette pensée qui naît, qui germe dans les cœurs, Père. Nous alliantons cette pensée génocidaire dans les cœurs des uns et des autres, Père éternel. Dans les cœurs des autres, Père éternel. Dans les cœurs des autres, Père éternel. Les tribus du Cameroun, Père éternel. Nous chassons cet esprit. Cet esprit de génocide, Père éternel. Oh, Dieu, qui n'en soit pas ainsi. Qui n'en soit pas ainsi pour notre pays, Père éternel. Oh, Dieu, Aie pitié, Seigneur. Son nom, nous chassons tous ces esprits, Père éternel. Tous ces esprits, Seigneur, Père éternel. Oh, l'esprit des génocides, dans les cœurs des hommes, dans les cœurs des hommes, nous les chassons et les dissipons. Nous les chassons et les dissipons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, que ce soit les règles dans les cœurs. Que ce soit les règles dans les cœurs. Père, nous le refoulons. Nous le refoulons de l'esprit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, maneli Bukavu Tovandi na Amérique Mandoki masolela na Chikapa Tovandi na Asie Mandoki maneli Mbandaka Gombe sali Congo Manyeme sali Congo Mbandaki sali Congo Yesu Tusingi kimya na Congo Kalenda tadila meso mame kwa ngai zambi zambi ambote shuva shalome yonde zambi la kimya bangusa pinzoli ya bana yo baleli na kongo e pesa kimya e Les Congolais, réveille-toi. Zoto ya pe pasi mamema na malema nzambi bikauwa sesambo tomuzeto beto bana kongo tweti kulomba kutusalisa kutuvulusa bekanzi yeto ya kala kulusu kwa babo mayangi kwa babosono que la bouche parle mon bien-aimé. Ta paix au pays auquel tu vis dépend de celle d'où tu viens. Ma volonga na sebele la Yahweh, internet des armées. L'olenge mokoma ki la yabele, ganga ki na mato ya Yahweh. Si on laisse un disrayel, lisi babe te zavali, Yahweh salae. Miséricorde pour le peuple congolais, ne nous laissez pas dans l'humiliation. Où toi tel jamais l'envoyé à la bébé, on va couper la couette, ne m'y qu'un mot à toi, ni toi du bois que j'ai, qui t'a mis mes billets tout dans mes robots. Sangani basole loko lukiti sangoli na yo na mboka Kongo Yahweh nanga sunga Kongo Yahweh Kongo na mboka ya Kongo Sangani basole loko la moto moko Bozole la kiti sangoli na yo na Kongo Na Kongo Na Kongo Nzambina likolo na maboko na yo na Déchargez sur moi tous vos soucis car je prends soin de vous. Aïe yawe oko sakate, lilo bawana et salema bonabiso. Congo, dry your tears, Congo, wipe your eyes. Your children are coming home, the heartbeat of Africa, the envy of the world. Scandalous wealth, scandalous poverty. When will it end, Lord? If not today, then when? If not now, then when? Congo, we pray for you. The Lord is on your side. Dry your tears, Congo. Your children are coming home. Hit me. Bakulupe, bakotie. Babele lion, kolona, mawa. Yoka kolela ya bana ya Congo, eh. Yoka kolela ya basali ya zambe. Tusanga milo kola motu moko kosenga singolue. Basaki komplamba li baba voto ya peuple. Oh, babo sana kilo bokwa nzambe zala Kongo. Lelo sekele nyoswe bomba maki ebimili banda. Ya chichie kamba bala Kongo.